années futures me laissent encore le temps d'aller rouler mon corps sur ta peau douce. Que les saisons me laissent le temps de pouvoir croquer à pleines dents le fruit de tes 20 ans. Que l'hiver me réserve au creux de sa saison quelques nuits de froidure, où mon cœur fatigué d'avoir trop aimé souffrira d'engelure. Mais je viendrai guérir tout au creux de tes reins mes blessures, si le printemps me laisse encore quelques matins. Si le printemps me laisse encore quelques matins à pouvoir paresser sans crainte du lendemain, venir te raconter l'histoire du baladin, le conte d'un été. Si cet été que j'ai rêvé pouvait encore bien arriver et vivre à tes côtés, on se ferait mine folie dans un grand lit d'herbe jaunie ou dans un champ de blé. Si l'automne pouvait retarder son voyage seulement de quelques lunes, dans un port, dans une gare, je pourrais espérer encore quelques fortunes, en sachant que déjà, au bout de ces saisons, finira notre amour, notre histoire et toute ma chanson. Notre amour, notre histoire et toute ma chanson.